Chers auditeurs, nous interrompons notre programme pour un flash spécial du service intercontinental d'information. C'est en effet aujourd'hui, à 19h40 heure locale, à l'observatoire de Mount Channing situé dans l'Illinois à Chicago, que le professeur Foltz a remarqué une activité inhabituelle à la surface de la planète Mars. Des explosions d'origine gazeuse qui se produisaient à intervalles réguliers. L'observatoire a immédiatement procédé à une analyse spectrographique et cette analyse a mis en évidence d'énormes quantités d'hydrogène qui semblent se diriger vers notre planète à très grande vitesse. Vous comprendrez qu'un phénomène aussi exceptionnel justifie un bouleversement de nos programmes. Nous allons donc tout de suite retrouver Carl Phillips, notre envoyé spécial à l'observatoire de Princeton dans le New Jersey. Carl Phillips, vous êtes en compagnie du professeur Pearson, un astronome, je crois, dont la réputation n'est plus à faire. Eh bien oui, mesdames, messieurs, un célèbre astronome qui scrute le ciel à l'aide de son télescope géant, ici à l'observatoire de Princeton. Un professeur Pearson qui, depuis le début des événements qui nous préoccupent, multiplie les contacts avec les centres astronomiques du monde entier. Mais je crois que le mieux, c'est encore que nous lui demandions quelques éclaircissements. Professeur, pouvez-vous nous dire ce que vous voyez actuellement dans votre télescope? Un télescope qui, je le rappelle à tous ceux qui nous écoutent, est braqué sur la planète Mars. Qu'est-ce que vous voyez, professeur? En ce moment, rien d'extraordinaire, monsieur Phillips. Une boule rouge dans l'infini de l'espace et sur cette boule des lignes qui sillonnent la planète. On les voit très distinctement. Et à quoi correspondent ces lignes, professeur Pearson? Il ne s'agit en tout cas pas de canaux, ça je suis en mesure de vous l'assurer, monsieur Phillips. Ah bon? Mais les gens qui croient que Mars est habité? Les gens qui croient que Mars est habité sont persuadés qu'il s'agit de canaux. Mais sachez, monsieur Phillips, que cette hypothèse ne résiste pas à une analyse scientifique. Ces lignes ne sont en fait que la manifestation visible des conditions atmosphériques très particulières régnant sur Mars, rien de plus. Si je comprends bien, vous êtes convaincu qu'il n'y a pas de vie intelligente sur la planète Mars? Un scientifique est rarement convaincu. Disons plutôt qu'il y a une chance sur 1000 pour qu'il en soit ainsi. Mais alors comment? Comment expliquez-vous les explosions qui ont commencé à se produire à intervalles réguliers à la surface de cette planète? Je n'ai malheureusement aucune explication plausible à vous fournir sur ce sujet. Professeur, pourriez-vous préciser à nos auditeurs la distance qui sépare Mars de la Terre? Environ 40 millions de miles. Ah, une distance qui devrait nous mettre à l'abri de toutes conséquences fâcheuses. Mais bien sûr, monsieur Phillips. Je vous remercie, professeur. Ici Carl Phillips, à vous New York, à vous le studio. Et nous passons maintenant au dernier bulletin du service intercontinental d'information. Un gigantesque objet s'est écrasé en flammes à 20h50 sur une ferme du New Jersey, dans les environs de Grover's Mill. Selon toute vraisemblance, il s'agit d'une météorite. Nous avons immédiatement envoyé un véhicule de reportage sur les lieux, véhicule dans lequel se trouve Carl Phillips, qui devrait bientôt être en mesure de nous commenter ces événements. Mais tout de suite, on retrouve l'orchestre de Bobby Millett en direct de l'hôtel Astor au cœur de Brooklyn. Et maintenant, Carl Phillips, en direct de Grover's Mill, dans le New Jersey. Eh bien oui, le professeur Pearson et moi-même venons d'arriver à Grover's Mill, dans le New Jersey, au domaine agricole de Wilmette Farm. Nous ne possédons pas encore d'informations précises, mais nous voyons quelque chose. Un gigantesque objet est à moitié enfoui dans le sol. Le choc a dû être terrible. Et une chose est certaine, il ne s'agit pas d'une météorite, mais bien plutôt d'un énorme cylindre. Professeur, à votre avis, le diamètre de ce cylindre? Environ 30 mètres. Environ 30 mètres, un cylindre de métal. Je dois dire que je n'ai jamais rien vu de pareil. C'est un métal jaune, oui, jaune avec des reflets blanchâtres. Et il semble que les forces de police éprouvent pas mal de difficultés à contenir les badauds, toujours plus nombreux à se rapprocher de l'objet. Mesdames, messieurs, des centaines de curieux viennent grossir la foule qui se masse autour du cratère, creusé par l'impact du cylindre. Ambiance bizarre, donc. Ambiance rendue encore plus étrange par la lumière des phares. Les phares de toutes les voitures parquées autour de l'endroit où je me trouve. Un détail très important maintenant, mesdames, messieurs. Un détail que vous percevez peut-être en tendant l'oreille. Il s'agit d'un espèce de bourdonnement qui semble venir des tréfonds de l'objet. Peut-être que vous le distinguez. Et Je vais tenter de m'approcher, de tendre mon micro pour que vous entendiez mieux. Voilà, je m'avance, je me trouve à un peu plus de 10 mètres de l'objet là. Je pense que vous devriez l'entendre maintenant. Mesdames, messieurs, il se passe quelque chose. Oui, à la surface de l'objet, je vois se soulever ce qui ressemble à des plaques de tôle. Mais c'est incroyable, voici que l'extrémité du cylindre se dévisse. L'objet serait donc creux. Alors on peut se demander ce qu'il contient. Incroyable, extraordinaire, mesdames, messieurs, ce qui est en train de se passer ici. Une véritable première, mais attention, on dirait que quelqu'un est en train de sortir de l'objet. Quelqu'un, ou plutôt quelque chose. Deux disques lumineux apparaissent des profondeurs du cylindre. Cela ressemble à des yeux, peut-être un visage. C'est... Mon Dieu! Une sorte de tentacule vient d'émerger de l'obscurité. En voici une autre, et d'autres encore. Et voici le corps de la créature. C'est monstrueux. Elle possède à peu près la taille d'un ours. Et sa peau brille un peu comme du cuir mouillé. Et son visage. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça un visage, mesdames, messieurs, tant il est effrayant. On y voit deux yeux noirs qui vous hypnotisent comme ceux d'un serpent. Quant à la bouche, elle ressemble plutôt à une sorte de bec en forme de V. Et il en dégouline une sorte de bave. Et cette bouche, on la dirait, animée d'une vie propre. Elle frémit, elle est agitée de spasmes. Mais voici que la créature se redresse. La foule recule, terrifiée. Je vais essayer de me déplacer. Je vous prie donc de rester à l'écoute pendant que je me déplace vers un endroit d'où la visibilité sera meilleure. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous suivez un reportage en direct du domaine de Wilmot Farm à Grover's Mill dans le New Jersey, où nous retrouvons tout de suite Carl Phillips. Mesdames, messieurs, permettez-moi de... Mesdames, messieurs, je me trouve en ce moment à l'abri derrière le mur qui entoure le domaine de Wilmot Farm. Et si je regarde par-dessus ce mur, eh bien, j'aperçois le lieu de l'impact, le cratère où se trouve ce cylindre, venu d'on ne sait où. Et je vais faire de mon mieux pour vous rapporter en détail tout ce qui se passe. Depuis tout à l'heure, eh bien, de nombreux policiers sont arrivés ici. Et c'est environ une trentaine d'hommes qui installent actuellement des barrières tout autour du cratère. Ah, j'aperçois un officier de police. Il parle avec le professeur Pearson. Oui, c'est lui. Il s'approche de l'objet. L'officier de police et deux de ses hommes s'avancent aussi. On dirait qu'ils brandissent quelque chose, mais je ne distingue pas très bien quoi. Mais oui, un drapeau blanc. C'est un drapeau blanc qu'ils agitent. L'étrange créature va-t-elle comprendre la signification de ce message de paix? La tension est ici à son comble, alors que... Attention, il se passe quelque chose. J'aperçois une forme vaguement bossue qui émerge du cratère. Tiens, un rayon lumineux comme si le soleil était reflété par un miroir. Mais voilà que le rayon jaillit hors du cratère et il touche les policiers de plein fouet. Mon Dieu, ils prennent feu des torches humaines. Ce qui se passe est abominable, mesdames, messieurs, non? C'est horrible. Et voilà que les flammes s'étendent à toute vitesse et la créature s'avance vers nous. Elle est maintenant à 5, non peut-être 6, 7 mètres de l'endroit où je me trouve. Chers auditeurs, des circonstances indépendantes de notre volonté nous obligent à interrompre momentanément cette retransmission en direct de Grover's Mill. Nous reprendrons, bien sûr, notre reportage dès que nos techniciens auront rétabli la liaison avec Carl Phillips. Mais d'ici là, nous vous proposons un intermède musical. Madame, monsieur, nous venons de recevoir un appel téléphonique de Grover's Mill. Un instant, je vous prie. Eh bien, l'on apprend à l'instant que l'incendie d'un champ situé à l'ouest de la ville vient de causer la mort de 40 personnes, parmi lesquelles 6 policiers. Le gouverneur de l'État du New Jersey vient en conséquence de proclamer l'état d'exception sur toute la région. Les autorités nous signalent également que 4 détachements de l'armée se dirigent vers la zone sinistrée. On nous apprend aussi qu'au terme de leur attaque meurtrière, les créatures inconnues ont regagné leur cylindre et que les corps de leurs malheureuses victimes ont pu être récupérés. Les pompiers ont aussi pu entamer la lutte contre les flammes sans que les créatures ne se manifestent à nouveau. Nous n'avons pas, hélas, encore réussi à rétablir la liaison avec notre unité mobile de Grover's Mill, mais nous devrions bientôt y parvenir afin de vous tenir au courant, minute par minute, de la suite des événements. D'ici là, si vous le voulez bien, passons à... Ah oui. Eh bien, chers auditeurs, on m'annonce que nous avons le professeur Pearson en ligne. Il est au téléphone. Professeur Pearson, vous avez la parole. Il m'est impossible à l'heure actuelle de donner une information précise sur les êtres arrivés sur Terre dans le cylindre métallique de Gravers Mill. On ne connaît ni leur origine, ni leurs intentions, et encore moins leur mentalité. Cela dit, une chose est absolument certaine, ces créatures disposent de connaissances scientifiques largement supérieures aux nôtres. Preuve en est ce rayon lumineux destructeur qu'elles orientent vers leur cible au moyen d'un miroir parabolique dont nous ignorons la composition. Professeur Pearson, je vous remercie. Pendant que vous nous parliez, on m'a remis un communiqué émanant de Trenton. On nous annonce dans ce communiqué que l'on vient d'identifier le corps carbonisé de notre envoyé spécial, Carl Phillips, à l'hôpital municipal de Trenton. Mais tout de suite, je passe la parole au directeur de notre station, Harry MacDonald, pour une communication de la plus haute importance. Oui, mesdames, messieurs, en raison de la gravité de la situation, les troupes stationnées à Trenton nous ont prié de mettre l'ensemble de notre matériel de transmission à leur disposition. Et comme vous le savez, la radio place avant tout l'intérêt du public qui l'écoute. C'est dans cet intérêt supérieur que je confie dès cet instant le contrôle de toutes nos installations aux troupes engagées à Trenton. Nous passons donc la parole au quartier général militaire de Grover's Mill dans le New Jersey. Ici capitaine Lansing, chef de la brigade des transmissions à Trenton. Nous maîtrisons la situation. Le cylindre est toujours dans son cratère, à proximité de notre campement. Nous avons disposé 8 bataillons d'infanterie autour de ce cratère. Les créatures ne manifestent actuellement aucun signe de vie, et il n'y a donc plus aucune raison de s'inquiéter. Nos troupes ne vont pas tarder à entrer en action. Un bataillon est d'ailleurs en train de se déployer sur le flanc gauche du cratère. À mon avis, un seul assaut suffira pour liquider l'ennemi. Ah ! J'aperçois quelque chose au-dessus du cylindre. Non, ça n'est qu'une ombre. Nos 7000 soldats s'approchent maintenant du cratère. Tiens, ça n'était pas une ombre. Quelque chose a bougé au-dessus du cylindre. On dirait un objet métallique. Une sorte de bouclier qui s'élève de plus en plus haut. Qu'est-ce que c'est? De longues jambes en métal, c'est une sorte d'échafaudage qui s'élève maintenant au-dessus des arbres. On allume les projecteurs et... Halt! Chers auditeurs, j'ai une annonce de la plus haute importance à vous faire. Aussi incroyable que ça puisse paraître, les observations des scientifiques et les événements auxquels nous assistons ce soir ne laissent plus planer le moindre doute. Les créatures qui ont débarqué dans le New Jersey constituent l'avant-garde d'une flotte ennemie venue de la planète Mars. Le monstre contrôle désormais la moitié de l'état du New Jersey et les liaisons entre la Pennsylvanie et l'océan Atlantique ont été coupées. Les voies de chemin de fer ont subi de graves dommages et les trains ne circulent déjà plus entre New York et Philadelphie. Un chaos total règne sur les routes menant au nord, au sud et à l'est. L'état d'exception a été instauré dans le New Jersey et en Pennsylvanie du Sud. Nous passons maintenant à une déclaration du ministre de l'Intérieur en direct de Washington. Chères concitoyennes, chers concitoyens, loin de moi l'idée de vous cacher la gravité de la situation. Je ne vous cacherai pas non plus que cette situation préoccupe notre gouvernement au plus haut point. Il en va des biens, mais surtout de la vie de notre peuple. Cela dit, j'en appelle à chacun d'entre vous, simples citoyens ou membres des autorités, nous devons garder notre calme. Certes, l'ennemi est dangereux, mais il ne contrôle actuellement qu'une zone relativement restreinte de notre territoire. Il faut donc faire confiance à notre armée et à Dieu. Chacun d'entre nous doit désormais faire son devoir afin d'opposer à l'ennemi une nation unie et déterminée, prête à tout pour maintenir la suprématie de l'homme sur notre planète. Je vous remercie de votre attention. Vous venez d'entendre le ministre de l'Intérieur en direct de Washington. Entre-temps, les communiqués s'entassent ici, tel point qu'on ne sait plus où donner de la tête. Voici d'ailleurs un message de New York. Il nous apprend que des scientifiques anglais, français et allemands nous offrent leur assistance. Dans le même temps, des astronomes du monde entier continuent de nous signaler des explosions sur la planète Mars. La plupart de ces astronomes pensent que l'ennemi envoie des renforts à son avant-garde. Encore un message de Fastingrich dans le New Jersey. Un groupe de chasseurs de ratons laveurs aurait repéré un second cylindre dans un marais situé à 20 km environ au sud de Markstown. De Long Island maintenant. Une escadrille de bombardiers lourdement chargée de munitions et d'explosifs fait route vers le nord afin d'intercepter l'ennemi. L'escadrille bénéficie du soutien d'avions de reconnaissance qui viennent de repérer l'ennemi. Et... Ah, un instant, je vous prie. Oui, mesdames, messieurs, nous avons une liaison directe avec l'escadrille aéronavale. Ici bombardier VA-23 de Bayonne, New Jersey. Commandant d'escadrille Bold, commandant Fairfax, Binghamfield. L'ennemi a obtenu les renforts de 3 machines provenant du cylindre de Markstown. Il y a donc 6 machines, dont une en partie endommagée. Probablement par un tir d'artillerie. Épaisse fumée noire au niveau du sol, provenance inconnue. L'artillerie a cessé le feu. Pas de rayon destructeur en vue. L'ennemi change de cap, direction ouest, par le fleuve et les marais. Son objectif, sans doute New York. Paré à l'attaque. Nos avions effectuent des cercles au-dessus de l'objectif. Descente amorcée pour le largage des bombes. Encore 1000 mètres. 800 mètres. 600 mètres. 400. 200. Et c'est parti! Une machine ennemie lève un bras métallique. Un éclair vert. Les ennemis crachent du feu. Moteur touché. Largage impossible. Toute l'escadrille! Bayonne, New Jersey. Ici Binghamfield à vous. Ici Binghamfield. Bayonne, répondez. Veillons au rapport, veillons au rapport. 8 bombardiers touchés par machine ennemie, moteur en feu, tous écrasés au sol. Une machine ennemie anéantie, l'ennemi engage des fumigènes. La fumée s'étend en direction... Ici Newark, New Jersey, ici Newark, New Jersey. Attention, attention, des gaz empoisonnés émanant des marais de Jersey viennent d'atteindre South Street. Masque à gaz inopérant. 2X2L à RQ, 2X2L à 8X3R, à vous. Ici 8X3R, 2X2L, à vous. Chers auditeurs, je me trouve maintenant sur le toit du bâtiment CBS dans lequel se trouve le studio de New York City. Derrière moi, vous entendez les cloches qui enjoignent à la population de quitter la ville. Une ville dont les Martiens s'approchent de plus en plus. Au cours des 2 dernières heures, nous avons assisté à un exode massif d'environ 3 millions de personnes en direction du nord. La route qui longe la rivière Hudson est encore ouverte. Évitez toutefois les ponts qui rejoignent Long Island, ils sont définitivement bloqués par les embouteillages. Toutes nos liaisons avec le New Jersey ont été coupées il y a 10 minutes. Nos installations de défense sont neutralisées. Notre armée est anéantie. Artillerie, aviation, tout est détruit. En ce moment, c'est peut-être notre dernière émission que vous entendez. Mais nous tiendrons jusqu'au bout. Dans la cathédrale en bas, on célèbre un dernier service religieux. Du côté du port, j'aperçois des centaines de bateaux chargés de milliers de personnes qui fuient les quais. Toutes les rues sont bloquées par des embouteillages. La rumeur de la foule monte jusqu'à nous. Attendez. Les voilà! L'ennemi arrive! J'en vois 5! 5 machines énormes, monstrueuses! La première vient de franchir le fleuve, elle a sauté l'Hudson comme un simple ruisseau! Et on m'annonce à l'instant que des Martiens ont attiré partout dans le pays! Un Buffalo, un Chicago, Saint-Louis, des cylindres tous identiques, même forme, même taille! La première machine vient d'atteindre la ville! Sa tête blindée se trouve à la hauteur des immeubles les plus élevés! Elle s'arrête! Certainement pour attendre les autres! Te voilà qui s'avance à l'ouest de la ville! Elles étendent leurs gigantesques bras de métal. Et on sort des gaz mortels. C'est la fin. Les gaz enveloppent la ville. Dans la rue, on a aperçu aussi des machines. Des milliers de malheureux courent vers l'Est River. Ils se jettent à l'eau comme des bêtes fuyant l'incendie. La fumée noire envahit tout tellement vite. Il vient d'atteindre Times Square. Tout le monde essaie de fuir, mais c'est inutile. La fumée noire rattrape. La guerre des mondes, une pièce radiophonique présentée par CBS et jouée en direct par Orson Welles et le Mercury Theatre, d'après le roman de H.G. Wells. C'était une émission de Columbia Broadcasting System.